franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute. Coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Aujourd'hui, nous partons dans la jolie ville d'Annecy. Ah oui, c'est près du lac d'Annecy, je crois. Cela ferait sens, en effet. Annecy qui fut une bourgade gallo-romaine de la plaine des Fins, où les Romains s'installent à partir de moins 50 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, le train à vapeur arrive pour la première fois à Annecy en l'an 1866. Annecy, que l'on appelle aussi la Venise des Alpes. Ah oui, tiens, c'est curieux. Alors Clémentine, vous vous sentez davantage vénitienne ou bien annecytienne? Annecyenne. Bonjour Philippe, docteur. Bonjour Margaret. Bonjour. Ah ben non, hein, je suis une vraie Annecyenne, je ne me sens pas vénitienne. Pourquoi? Ben parce que j'habite pas à Venise. Allô? Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel, chère Clémentine? Et je pensais que la Clémentine était davantage un fruit du sud de la France d'ailleurs. Voilà, j'ai un problème avec la belle-mère de la femme de mon père. La belle-mère de votre maman, donc, hein, donc votre grand-mère paternelle, hein, pour la faire courte. Oui, mais mon père a quitté ma mère il y a 20 ans. Sa mère n'a plus jamais souhaité nous revoir. Et quel âge aviez-vous quand vos parents se sont séparés? 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc vous étiez mineure, hein? Bah oui, enfin pourquoi? Et pour savoir, pour savoir. Donc, ouais. Alors mon père est mort il y a 3 ans. Et sa mère étant très malade, il faut la placer en maison de retraite. Oh, la pauvre petite grand-mère. Maison du café, Jacques Vabre, carte noire. Hein? Non, c'est pour le CSA. Vous pouvez pas la garder avec vous dans la propriété familiale? Dans la... Vous ne pouvez pas la garder avec vous dans la propriété familiale? Oui, j'ai entendu, mais on n'a pas ça, non? Bon, donc ma belle-mère refusant de payer pour sa belle-mère, c'est ma mère à moi qui se retrouve obligée alimentaire. Ah non, votre mère ne peut pas l'obliger à manger, hein? Hein? Hein? Pourquoi voulez-vous l'obliger à manger, madame? Elle se laisse partir? Vous savez, Clémentine, parfois la vieillesse peut donner aux gens, vieux, hein, souvent, le sentiment que leur vie touche à sa fin et provoquer chez eux un état dépressif qui leur coupe tout, le sommeil, l'appétit, la libido et même les pattes. Ouais. Enfin, obliger alimentaire, c'est quand on est responsable du minimum vital d'une personne. Oui, mais là, c'est la belle-mère de votre belle-mère. Oui, mais c'est ma grand-mère. Ah bon? Ah ben, j'avais pas compris ça. Et comme sa belle-fille... Sa belle... À qui? Eh ben, à ma grand-mère. Non. Enfin bref. La nouvelle compagne de mon père n'a pas épousé mon père parce que ma mère avait refusé le divorce. Voilà, donc elle refuse de donner de l'argent pour sa belle-mère, alors qu'elle est très riche. Et donc, c'est ma mère à moi qui doit prendre en charge la maison de retraite de son ex-belle-mère. D'accord. Et donc, elle est légalement tenue de payer puisque votre père est mort. Puisque vous nous avez dit qu'il était décédé. La mort qui, je vous le rappelle, dans 99,9% des cas, est définitive. T'avais compris tout ça, toi? Mais voilà, c'est ça. Donc on est obligé de payer pour elle. Mais c'est hyper injuste! Ah bah non, c'est sa grand-mère. Ah oui, ah bah non, non, non, c'est hyper normal. Oui. Mais sauf que c'est une étrangère pour nous. Et puis elle était beaucoup plus proche de la nouvelle compagne de mon père qui refuse de payer alors qu'elle, elle a les moyens. Elle est sympa, sinon, votre mémé? Mais je la connais pas. Et ma mère non plus la connaît pas. Mon père a refait sa vie il y a 20 ans et on l'a jamais revue depuis. Ouais, vous nous l'avez déjà dit, ça. Alors, c'est quel genre de vieille? Elle est plus ou moins... Hein? Mais c'est quoi, c'est-à-dire? Oui, c'est plutôt... Margaret Thatcher ou Tati Daniel? Ben... C'est gentille mémé ou méchante mémé? Ah ben, elle est pas commode, en plus, ouais. Oui, mais vous inquiétez pas, hein. L'avantage avec les vieux, c'est que ça finit toujours par s'arranger. Ah bon, ben là, j'ai pas l'impression. Hein. En plus, l'assistante sociale qui a contacté ma mère pour la prévenir de ses obligations nous a dit qu'elle était atteinte d'une forme avancée de Parkinson. Alors, je pense pas que ça va en s'arrangeant, ce genre de choses. Si. Tout s'arrange toujours avec les vieux. Il faut juste être patient. Ah ouais, d'accord. Non, mais enfin, on peut pas lui souhaiter ça non plus. Ah ben non, faut pas, non. Non. Et puis alors, si votre maman est sans le sou, elle ne peut pas l'accueillir chez elle? Elle n'a pas une pièce en plus? Un garde-meuble, un grenier aménageable avec un petit monte-escalier? Non, on n'a pas ça. Et de toute façon, même, on n'en veut pas. Mais oui, mais bon, il y a plein de choses dont on ne veut plus, et puis on les garde, et quand on retombe dessus par hasard, on se dit qu'on a bien fait de rien jeter. Qui une vieille panière à linge sale en rotin? Qui un meuble d'angle laqué noir à poignée en laiton doré? Qui une yaourtière? Qui un panier cassé? Mais on peut quand même y ranger les vieux catalogues de la Redoute. Les trois Suisses, quelle la blanche porte? Oui. Qui un vieux pied de parasol en béton, mais qui sert à tenir la bâche en plastique sur le tas de bûches pour quand il pleut? Qui a un sac de balles de tennis troué qu'on mettait sur la boule de l'attache de la caravane de quand on avait la caravane, non? Ah non, c'est zut, j'avais encore plein d'objets à dire. Mais Clémentine, si vous nous écoutez, essayez de garder mémé par-devers vous et d'éviter coûte que coûte la maison de retraite, car les taux de mortalité y sont largement supérieurs à ceux des maisons traditionnelles dans lesquelles nous vivons, nous. Donc, méfiance, hein? Ça, c'est sûrement pour ça que mon papy Claus est toujours de ce monde et qu'il file des jours heureux et libres en Argentine auprès de ma maman. Et comme il s'amuse à le répéter souvent, un vieux four est plus aisé à chauffer qu'un œuf. C'est joli et c'est tellement vrai. Merci au jeune et sémillant Yann Chouquet qui a mis en onde cette émission. Merci à tous nos auditeurs. Au revoir. Au revoir Philippe. Au revoir à tous. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.